Chapitre 10e. Des ténèbres à la lumière. Le trou était un ancien puits communiquant avec une partie abandonnée des catacombes. Les deux corps étaient tombés presque à pic, arrêtés parfois par une saillie, rebondissant d'une paroi à l'autre, et ainsi pendant une dizaine de mètres au moins. Ils s'étaient abattus sur le fond, mais là il y avait une déclivité très accentuée, et ils avaient roulé encore pendant 5 ou 6 mètres, de telle sorte que lorsque tomba la pluie de pierres, ils ne se trouvaient plus dans l'axe du puits et que ces pierres, roulant aussi sur la pente, s'éparpillèrent, n'arrivant pas toutes jusqu'à eux, se faisant obstacle les unes aux autres, et ne les touchant qu'à la suite de contre-coups qui avaient déjà amorti le choc. Mais qu'importait cela? La chute seule avait dû les tuer, les pierres n'auraient écrasé que des cadavres. Dans le fond de ce gouffre, pas un mouvement, pas un gémissement, pas un souffle. C'était, dans les ténèbres, le silence et l'immobilité du sépulcre. 1 heure se passa. C'était bien fini. Toto Fouinard avait été victime de sa passion du bien. Un adversaire, lequel, avait eu raison de lui, par un guet-apens admirablement organisé, le cycle de ses exploits était clos. Pauvre Toto. Eh bien non, il n'était pas mort. Car voici que, 7 heures écoulées, des 2 masses noires étendues dans cette in pace funèbre, l'une avait fait un léger mouvement. Et c'était Fouinard. Fouinard, que sa chute avait délivré du sac dans lequel sa tête était enveloppée, et qui respirait lentement, péniblement, d'un souffle d'agonie peut-être, mais enfin, un cadavre ne respire pas. Encore 1 quart d'heure, puis Toto ouvrit les yeux, pour les refermer aussitôt, car les noires ténèbres sont comme un éblouissement à l'envers. Mais ce qui se rouvrit aussitôt, ce fut son cerveau. Ce qui ressuscita, ce fut sa pensée, d'abord vague, obscure comme un cauchemar. Il crut à quelque rêve horrible, à l'une de ces chutes imaginaires qui précipitent dans un abîme l'homme ensommeillé, par le choc réveillé et se retrouvant dans son lit. De lancinantes douleurs le rappelèrent à la réalité. Non, il ne dormait pas. Non, il n'avait pas rêvé. Et bien réelles aussi étaient les souffrances qu'il éprouvait par tout le corps. Et dans un ressouvenir subi, il se rappela la dernière scène dont il avait eu conscience, ce capuchon jeté sur sa tête, ses liens qui lui serraient les poignets, cette bousculade brutale comme un passage à tabac. On ne peut être fort que lorsqu'on est redevenu absolument maître de soi-même, de sa tête, de ses nerfs. Et par un premier effort raisonné, pour rétablir quelque équilibre dans ses méninges surmenés, il se mit à compter, mentalement d'abord, 1, 2, 3, 4, puis à voix basse, à peine un murmure, et enfin de sa voix naturelle. De s'entendre soi-même, ce fut le signal du réveil qui s'opéra brusquement, sans transition, comme lorsque la main tâtonnante rencontre enfin le bouton d'une sonnerie. Il cria « Sacré pétard, où suis-je? Aïe, je suis démoli !» Les douleurs, jusqu'ici sourdes, se faisaient instantanément plus aiguës. D'un mouvement instinctif, voulant tâter son épaule, il tenta d'attirer ses mains. Elles étaient restées liées, étroitement. De fait, il reconnut plus tard que c'était là une chance réelle. La corde, en empêchant les bras de baler, avait évité leur fracture contre les parois du puits. Sans le savoir, il s'était roulé en boule par une vieille habitude de clown. Fouinard avait retrouvé toute la lucidité de son esprit. « J'ai fait la malle des Indes, » se dit-il. « C'est bien le moins que je tire mes mains des cordes, qui n'ont pas dû être serrées par un spécialiste. » Il serra les doigts, en pointe, les effilant, les amincissant. Et en quelques minutes, il sentit que les cordes devenaient lâches. Quelques tours de poignet, très soigneusement, très lentement calculés, et les mains étaient libres. Dans la nuit, Toto eut un rire silencieux. C'était le commencement de la délivrance. « Maintenant, murmura-t-il, qu'est-ce que j'ai de cassé? Car je m'en souviens, je suis tombé de très haut, et pas du tout entre les lits de plumes. » Il attira à lui ses mains qui étaient aplaties sous son dos, puis écarquilla ses doigts, les fit mouvoir, assouplit ses poignets. « Chouette, dit-il, de ce côté-là, pas de brisure. Ni dans les bras non plus. Aïe. L'épaule, sapristi, ça, c'est un coin embêtant. Une omoplate ou une clavicule en brin de zinc, c'est ça qui nuit à un avenir. » Il osait à peine se palper, allongeant ses doigts un à un, touchant les muscles avec précaution. « Aïe, aïe, ça fait bobo. Mais ce n'est peut-être que des nions formidables. » Toto n'est pas si maigre qu'il en a l'air. Il est capitonné, le vieux chéri. À qui donc pourrais-je bien penser pour lever les épaules? À Guillaume II? Ça y est, aïe! se soulevant légèrement, il avait exécuté le mouvement indiqué, la mécanique avait joué. Décidément, j'ai de la chance. Mais avant de chanter victoire, il y a encore les jambes. Vrai, je ne les sens pas, ça m'inquiète. Il s'appuya sur les mains, malgré les douleurs très réelles qu'il sentait aux épaules, plia une jambe et posa le pied sur le sol. Une, fit-il, ça va bien. Mais pétard, que l'autre est lourde, on dirait qu'il y a un pavé dessus. Cette idée de pavé lui suggéra la volonté d'une vérification. Il glissa ses mains le long de sa cuisse, arriva au genou, et là. Un pavé, deux pavés, trois pavés, toute une démolition d'obélisques. Qu'est-ce qui va sortir de là-dessous? Là-dessous, il y avait une cheville et un pied. Toto se sentit froid au cœur. Est-ce qu'ils étaient écrasés? Et dans sa peur très réelle, très sincère, il commença par remuer les doigts du pied. Ils obéirent, alors on pouvait essayer sur le tout. Aïe, voilà! Cette fois, il y avait du bobo, et un gros. La cheville était enflée, et lui causait une véritable douleur. Ah, ma foi, tant pis. Il fallait en avoir le cœur net. Il prit le bas de sa jambe à pleine main et le malaxa de toute sa force. Puis, en dépit de la souffrance qu'il s'imposait, il tourna sur lui-même et posa le pied malade sur le sol. Il crut qu'il allait tomber. Il se rassit, serrant les dents. La jambe ne plia pas. Elle n'était pas cassée. Mais sapristi que ça lui faisait mal. Il y avait un froissement des muscles, quelque chose comme une luxation, une entorse. « Ah, tu n'es pas en capilotade !» s'écria-t-il en parlant à sa jambe. « Et tu ferais les manières ?»« À moi, mon vieux métier de masseur. Il faut retaper ça provisoirement, parce que les pattes auront à faire. Attends, attends, madame ma chemise, je vois le regret de vous arracher le cœur. » Il se déshabilla à moitié, déchira un pan du vêtement intime auquel il venait d'adresser cet avertissement, et en poignant sa cheville à deux mains, la pelota vigoureusement, retrouvant et suivant comme un anatomiste les saillies des muscles et finalement la serrant dans une bande faite et adaptée d'après les principes. La sueur perlait à son front, mais sa force de volonté le défendait contre toute défaillance. Il se dressa, debout, et respira largement. Ce qui le fit tousser, car l'air qu'il avalait était à la fois humide et saturé de nitre. « Bon, fit-il, ne cherchons pas, je suis dans une cave. » Quand on veut mettre quelqu'un à l'ombre, rien ne vaut ça. Mais je sais ce que j'ai dégringolé. Ça m'a paru interminable. C'est une sous-sous-cave, comme qui dirait des catacombes. Ça n'en est pas plus gai. Les catacombes, ça n'est rigolo que quand on a dans sa poche une invitation du préfet de la Seine, et j'en suis dépourvu. Ah, batte ! Cria-t-il. En prononçant le mot poche, il avait porté machinalement la main là où elle devait se trouver. Et ses doigts avaient rencontré quoi? La manne du désert, ou pour mieux dire, l'étoile du berger, sa lanterne électrique, qu'il avait chargée d'une pile neuve, il n'y avait pas deux jours, et qui pouvait fournir 60 heures de lumière. Avec une joie intense, il fit jouer le ressort, et le rayon blanc jaillit. Il était dans une voûte fruste, taillée à plein sol, et au milieu d'un éboulis de pierre. Il promenait le faisceau de tous les côtés. Sapristi! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était le corps d'un homme plaqué sur la terre, immobile et dont la tête était affalée au milieu d'une large tache de sang. Comment, j'ai un copain? Cria-t-il. Il se pencha sur lui en le secouant. Oh là, hé! L'homme, assez fait la carpe. Voyons à nous grouiller un peu, sapristi. Est-ce que celui-là aurait cassé sa pipe en tombant? Je devine. C'est un de ceux qui m'ont si bien arrangé, canaille. Pauvre bougre tout de même, et voyons s'il y en est. Il avait accroché sa lanterne à sa boutonnière et avait les mains libres. Sa cheville le faisait horriblement souffrir, mais il ne voulait pas la sentir. Il s'était penché sur l'inconnu qui était tombé sur la face en tas. Il avait au front une blessure qui avait déterminé une large hémorragie. C'était un individu de haute taille, aux épaules larges, aux traits grossiers, de grosses lèvres et une dentition éclatante. Toto l'avait retourné sur le dos. « Pas brillant, le bonhomme. J'ai bien peur qu'il en ait sa claque. Là, ce que c'est que de vouloir faire des mistoufles à Toto. Voilà. Pour essayer de le ranimer, il faudrait de l'eau. Ça manque de fontaine. Ou d'essai l'anglais. Il n'y aurait pas par ici une belle dame avec un flacon. Allons, tapons-lui dans les mains et soufflons-lui dans le nez. Eh, mais il veut rien savoir. Voyons les membres, les bras, les jambes. Toto poussa un cri. L'homme avait une jambe brisée au-dessous du genou et l'os faisait saillie sous la peau. Diable, fit-il en frissonnant un peu. Il faudrait réduire cette fracture-là tout de suite, mais oserais-je, si je rate mon coup? Sapristi, la situation n'est pas drôle. Être peut-être à 30 pieds sous terre avec un macabé. Quelle heure est-il? Il tira sa montre et eut une exclamation désespérée. Son superbe chronomètre, de 18 francs, 43 ans, était aplati comme une limande maigre. Il s'émietta sous ses doigts. Encore une victime du devoir, soupira-t-il. Pauvre oignon. Tiens, mais mon copain défraîchi a une superbe chaîne. Il doit y avoir une montre après. Il fouilla dans la poche du gilet, attira un superbe remontoir qui lui-même entraîna avec lui un papier plié qui tomba sur le sol. 5 heures, fit Toto. Du matin, évidemment. Comme le temps passe quand on s'amuse. Voyons le papier. Il le déplia et lut. RB, vous savez, gros à gagner, P. Murmura Toto. Qui diable pouvait donner à ce gaillard-là un rendez-vous urgent pour lui faire gagner des pépettes? Il regarda attentivement. C'était une feuille de papier à lettres dont la partie supérieure avait été coupée, sans doute pour enlever un en-tête compromettant. Et ça avait été mal fait, se dit Toto en constatant que la partie inférieure des lettres était restée, sans que le scripteur y prît garde. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne vois rien. Zut! Ça n'est pas le moment de deviner des charades. Puisque j'ai commencé à fouiller les poches du démoli, allons jusqu'au bout. Dans la poche du côté du veston, un portefeuille, un carnet couvert d'un autocrayon, d'une écriture lourde et incorrecte. On déchiffrerait ça plus tard. Ah, des billets de banque, bigre, 3 500 balles. Il est calé le bonhomme, ah, nom de Dieu. Toto n'abusait pas de cette exclamation, pourtant si courante aujourd'hui. Et il fallait qu'elle lui ait été arrachée par une vive émotion. Eh, parbleu, qui l'aurait eu, en trouvant dans la pochette des cartes de commerce avec cette inscription « Malva, entreprise générale de chiffons, ferraille et marchandises de toutes sortes ». Malva, le gredin, le faux témoin, qui avait déjà envoyé un innocent en bagne, et qui maintenant en avait voulu envoyer un autre, lui, Toto, ad patres. Et le rendez-vous donné par X et qui avait eu pour résultat le guet-apens dans lequel Fouinard était tombé, et les 3 500 francs. « Je vaux bien ça, » fit Toto, « ça me flatte. Ça n'empêche pas que ce Malva soit une affreuse canaille. Mais il y a quelqu'un d'encore plus crapule que lui, c'est le bonhomme qui l'a payé pour m'estourbir. Qui ça peut-il être? Oserais-je prononcer le nom qui me vient? Le billet est signé P, et P est la première lettre de ce nom-là. » Ses yeux étincelaient du feu qui révélait l'extrême tension de ses facultés. Et dans un effort d'ingéniosité, de quasi-divination, les lettres tronquées qu'il avait remarquées se reconstituèrent. Institut Boisselin. Celui qui avait voulu le faire assassiner, c'était M. Pointre. C'était l'assassin de Mme Boisselin. Et celui qui l'avait chargé de perpétrer ce crime, c'était cet Auvergnat, ce Malva, qui le faisait chanter et qui était à ses ordres pour toute infamie. Toto avait été foudroyé par cette révélation que le hasard faisait éclater devant lui. Le hasard, non, pas tout à fait, car Malva avait mis lui-même, comme on dit, la main à la pâte, et s'il était tombé dans le trou avec Toto, c'est qu'il avait mal réglé son affaire. « Eh bien qu'il crève !» s'écria Toto. « Je trouverai bien le moyen de sortir d'ici. Quant à lui, il y est, qu'il reste, comme dit l'autre. » Il était pris d'une exaltation singulière, faite de mépris et de colère. Ses façons de Judas l'exaspéraient. Oh, s'évader de cette tombe, punir les criminels. Il le voulait, il le ferait. Après tout, les parois du souterrain n'étaient faites que de terre tassée, de gypse, qui s'effritait facilement. Il s'était rué contre la muraille et, de ses doigts crispés, s'efforçait de désagréger le conglomérat mêlé de pierre. Mais ses ongles se cassaient, sa peau s'ensanglantait. Ah, s'il avait un outil! Et un nouveau cri de désespoir s'échappa de sa poitrine. Justine, il avait perdu Justine. Dans la bousculade là-bas, dans la chute d'ici, elle avait été arrachée de ses mains. Sa vieille compagne, son amie, sa conseillère, sa camarade. Et dans sa fureur, Toto montra le poing à Malva, plus criminel peut-être encore de s'être attaqué à Justine qu'à son maître. Il s'était tourné vers l'homme, toujours immobile, la lanterne dardant son rayon dans la profondeur de la galerie, vers le trou par lequel Toto était tombé. « Ah !» Dans la masse de l'éboulis, entre des meulières et des carreaux de plâtre, Toto venait d'apercevoir un point brillant. Son cœur battit si fort qu'il faillit être suffoqué. C'était le bec de Justine, qui elle-même était fichée entre des pierres qui la calaient, montant jusqu'à sa pomme. Elle était là, debout, toute droite, regardant son maître, qui, encore inquiet, mais déjà réconforté, courut à elle, la déterra, à la lettre, de la masse qu'il écrasait. Et, ma foi, il lui baisa le bec, à pleines lèvres. Et en même temps, il s'aperçut qu'il y voyait clair, sans sa lanterne. Il était justement au-dessous de l'orifice du trou par lequel il était tombé. Et il y avait là-haut de la lumière, du soleil, de la vie et de la liberté. Il chancela sous l'émotion. Encore cette sacrée Justine qui lui montrait le chemin du salut. Et, parbleu, c'était un jeu de remonter là-haut. Il est vrai qu'il n'avait qu'une seule patte, l'autre n'étant pas bonne à grand-chose. Mais bon, avec les deux bras, ça faisait trois crampons. Et Toto en avait vu bien d'autres, quand il montait à la perche libre ou à l'échelle mobile. Du reste, il avait examiné le puits qui n'était pas revêtu de ciment et était à l'état fruste. Les trous et les aspérités ne manquaient pas. Un escalier, quoi. En avant, Justine. Hein? Tu dis? Le pauvre bougre qui est dans le fond. Ah, zut. Je m'en fiche. Tu prétends que je ne m'en fiche pas. Qu'est-ce que tu en sais? Un animal qui a plus de crimes sur la conscience que de dents dans la bouche, et il les a toutes, et qui a voulu me tuer, hein? Quoi encore? Que je ne suis qu'un mufle? Que parce qu'un homme vous a fait du mal, on n'a pas le droit de lui en faire? On n'a pas le droit de le condamner à mort? Mais il est déjà mort. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je te le dis, Justine. Ah, Matine que tu as toujours raison. Toto était revenu vers Malva. Il écarta ses vêtements et s'étant agenouillé, posa son oreille sur sa poitrine. Le cœur battait. Toto releva ses manches, coupa la jambe du pantalon et, comme un chirurgien émérite, malaxa le tibia, fit un vigoureux effort, fracture simple, et enfin réduite. L'homme avait crié, puis ouvert les yeux, et à la lueur de la lampe électrique, il avait reconnu celui qui était près de lui. « Toto Fouinard, cria-t-il, je suis perdu. Tu es sauvé, animal, grâce à Justine. Tu ne la connais pas, mais tu lui dois une fière chandelle. Tu as voulu m'assassiner, tu es un mauvais gars. Grâce, grâce, je me repens. Je demande pardon, sauvez-moi. » C'est bien M. Pointre qui t'a payé pour me tuer. Oui, oui. M. Pointre, l'assassin de Mme Boisselin. Oui, oui, c'est vrai. J'ai dit le contraire, j'ai menti. Ah, je souffre, ma tête, ma jambe. Braille pas, animal, reste tranquille. On va te tirer de là. Dame, tu sais, il va falloir que la roue s'en mêle. Ça m'est égal. La prison, le bagne, mais que je vive. Grâce, grâce. Mais tais-toi donc, puisqu'on te dit qu'on te sauvera. Toto ne pouvait songer à accomplir sa périlleuse ascension en portant un homme sur son dos, d'autant que sa jambe le faisait atrocement souffrir. Il fallait bien, comme il l'avait dit, avoir recours au secours public. En quelques minutes, il gravit le puits, se trouva dans la masure abandonnée, sortit, avisa le poste de police, s'y traîna, car il était brisé, achevé par son dernier effort, et sa jambe blessée ne pouvait presque plus le soutenir. Par bonheur, un officier de paix intelligent se trouvait là. Il se fit connaître, exhiba la carte du préfet de police qui ne le quittait jamais. On requit les pompiers qui allèrent chercher au fond du trou le misérable Malva, évanoui de douleur et de terreur. Toto s'était refusé à toute explication, déclarant que, secrétaire du préfet, c'était à lui seul qu'il devait des comptes, et on lui avait obéi. Il s'était fait transporter, ainsi que Malva, à l'infirmerie du dépôt, avec ordre de prévenir le préfet de police.